En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre la musique expliquée aux aliens. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Musique. C'est maintenant l'heure de votre émission préférée, la leçon musicale. Nous vous rappelons que cette émission a été créée spécialement pour les aliens, afin de leur faire découvrir la musique terrestre. Chers habitants de toutes les planètes, je vous souhaite donc une bonne écoute pour cette leçon numéro 369, consacrée à la chanson française. Bonjour, je m'appelle Hello. Bienvenue dans la leçon musicale. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, découvrir la chanson française. Est-ce que tu es prêt? Super, allons-y. Pour connaître la chanson française, nous allons nous balader dans le monde merveilleux de la musique. C'est parti! L'expression « chanson française » désigne depuis 1945 un genre musical qui se définit d'abord par la mise en valeur de la langue française, avec la référence à des maîtres et modèles héritiers de la littérature poétique de langue française, comme Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. Répète après moi. Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. Super! On continue? Super! Allons-y! Baladons-nous dans le pays de la chanson française. Oh, mais il y a plein de maisons ici! Je vois 1, 2, 3, 4 maisons! Rentrons dans cette maison en forme de gros gâteau au chocolat. C'est bon le gâteau au chocolat. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Bouh, cette chanson est triste. Quand une chanson est triste, c'est qu'on a envie de pleurer très très fort. Alors pour se remonter le moral, essayons de trouver une chanson joyeuse. Tu m'aides à trouver? Super! Allons-y! Où est-ce qu'on peut chercher? Oui! Derrière ce gros nounours tout mignon! Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Une chanson joyeuse, c'est quand on a envie de faire un gros sourire en forme de banane sur le visage et quand on se balance de gauche à droite sans s'arrêter. Tu le fais avec moi? Gauche, droite, gauche, droite. Super! On continue? Allons-y! Je vais aller dans cette maison en forme de bonbon qui pique. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, Une valse à 100 ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frosse aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Waouh, mais ça va vite! Quand ça va vite, c'est que le chanteur doit être très intelligent pour pouvoir articuler vite et se souvenir de ses paroles sans faire de faute. Oh, une maison en forme de camion de pompier en barbe à papa. Super, on y va ? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ça, c'est une chanson d'amour. C'est-à-dire qu'on voit des papillons multicolores dans le ciel et qu'on a envie de courir dans l'herbe avec une pâquerette dans la bouche dans un champ tout plein de licornes arc-en-ciel. Oh, mais il y a un gros cadeau sur le lit. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-ki, tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-ki. Et quitter ton quartier, tacati t'a quitté, ta tactique était top, ta tactique était top, tacati t'a quitté, porte ta toque et troc, ton tricot tout crotté, et ta croûte au couteau, on t'attend t'attaquer, contre ta cocoté, quatre équipes comptées, et quitte ton quartier, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Super! C'était une chanson. À qui les vole de billets, à qui les lèle de billots, des billets si beaux, des billots si laids. S'il est un des bibots, c'est bien le beau des billets. Au des bidots, il y a le beau bobby. Au des billets, il y a la. C'était une chanson. Vite! Avec le temps. Joyeuse! Douche, douche, douche, douche! Avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps. Dans le camion de bobos, c'est bon la leçon musicale. Hello, je m'appelle Bonjour. À l'aventure, découvrir. Cette chanson est triste. Joyeux, c'est quand le chanteur a envie de manger des bérets très très fort avec une pâte dans la bouche en se balançant de Cassandra. Avec moi, gauche. Chers auditeurs, suite à des problèmes techniques, nous sommes dans l'obligation d'interrompre ce programme. Et c'est peut-être mieux comme ça. C'était La musique expliquée aux aliens, une série conçue et réalisée par les étudiants du CFMI d'Orsay en exclusivité pour la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.